Merci. Je vais passer très vite. Alors d'abord, vous allez voir tout de suite la diversité de l'exercice. J'avais demandé, etc., parce que je me doutais à l'annonce qu'on allait parler de choses très diverses. Le paradoxe, c'est que je suis tellement d'accord avec mon collègue. Je pense que je salue son courage. Mais je comprends tout à fait. Alors là, position tout à fait, puisque j'ai participé au séminaire. Et moi, j'ai été président d'une commission et j'ai redoublé. Non, je suis pas du tout dans la redoublée, c'est-à-dire que j'ai été président de 92 à 96, ça fait bien loin maintenant. Et puis, vous ne pouvez pas vous représenter, j'avais d'ailleurs pas l'intention, parce que ça secoue quand même la vie ordinaire, hein, même dans ce genre de commission, pendant 4 ans. C'est pour ça que j'ai demandé le facteur renouvellement. 4 ans, c'est un vrai sacerdoce. Et puis, j'ai été amené, j'en ai laissé passer deux sessions, et j'ai été amené à revenir en 2004, parce que l'environnement a changé, parce que pression interne, j'y suis retourné bien volontiers. Puis depuis 2008, j'ai quand même reposé les choses, content que ça s'arrête un petit peu. En plus, j'arrivais à un certain âge où je pouvais passer à autre chose. Je suis passé à autre chose, j'ai repris un petit peu d'engagement dans le comité d'éthique et du CNRS. Et c'est pas négligeable pour apprécier certaines des choses, des petites histoires que je vais vous raconter. D'abord, un élément important, c'est que j'ai participé à l'ANR et tout ça, et ça m'a semblé orthogonal complètement à la pratique. Les choses sur lesquelles je vais insister, c'est l'apprentissage. Pour moi, vu le genre d'exercice, si vous ne constituez pas une ligne d'apprentissage, de connaissance des gens, ça ne marche pas. Si vous regardez dans le détail la pratique d'un comité national, je dois préciser aussi que je suis en économie, dans une science morale et politique. Donc on n'est plus, alors là, par rapport au jugement, etc., aux notes de valeur, etc., les biais sont multiples, par définition, acceptés, etc. Comme ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez l'histoire des comités, y compris en sciences exactes, je crois, il y a un effet d'apprentissage. Vous demandez à la quatrième année ce qu'ils pensent de la première, et ils voient normalement le gradient positif d'apprentissage, de connaissance des gens, de partage des responsabilités, d'entente sur les notes, les règles sont fixées. Autrement dit, on corrige implicitement les biais sans trop formaliser les choses. Pour moi, ces processus d'apprentissage sont essentiels. Et ce que je vais faire là, c'est pour ça que j'ai choisi, si je puis dire, de vous parler du classement des unités. Parce que le classement des chercheurs, en fait, je vais contraster les deux un petit peu. Mais le classement des chercheurs, il a été pris dans un engrenage que vous connaissez bien, qui est une espèce de professionnalisation en particulier dans notre section, qui est un engrenage de bibliométrie, avec des influences croisées, tout ça. Ça, on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est les interdépendances entre ces deux choses et comment fonctionne le classement des unités, où on a des choses qui représentent, qui sont à peu près semblables à des projets, sauf qu'on s'inscrit dans la pérennité, d'une certaine façon. Et on doit arbitrer, enfin, si tant est qu'on a les marges de manœuvre, entre ces deux choses, hein, entre pérenne, appuyer une structure, faire émerger, sortir du champ, etc. Et c'est une question que l'on traite très mal, et c'est un peu ça, pour ça que je vais vous dire. Et là, autant je peux dire qu'il y a un processus d'apprentissage pervers en matière de jugement des chercheurs, autant en matière de jugement des unités, ben on a l'impression un peu de perdre la main quand arrivent les agences qui vont donner des fonds, qui vont perturber un peu, mais il faut bien regarder pourquoi on perd la main, comment, et enfin on perd la main. Je ne sais pas comment ça se passait dans les années 80, simplement... On a affaire à des choses qui méritent d'être un peu d'un regardé de plus près. Alors, pourquoi je vous passe ça en vitesse? C'est parce que j'ai accepté l'invitation, j'ai pensé que j'aurais plein de temps pour travailler, je n'en ai pas eu. Or, il y a certains petits dessins qui se trouvent là-dedans et qui sont très utiles. Mais en plus, ce qui est très important et qui appartient à le PST, qui a bien des défauts par ailleurs, mais CNRS, c'est que il y a des rapports entre les comités. Il y a 40, une quarantaine, même plus maintenant, CNRS. On ne peut pas dire qu'on a toujours des sessions plénières, mais ça existe. C'est assez compliqué quand c'est de la grande plénière, ça coûte cher, mais c'est très riche. Et en particulier, une instance que j'ai pu apprécier les deux fois, c'était le comité des présidents. Et ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose... je ne vais pas le présenter, je vais aller rapide. Mais ça donne un contexte, ça date de pas très longtemps, de 2014. Et ça donne une espèce de mise en rapport des conditions dans lesquelles ces différents comités font leurs choix. Alors, je vais passer rapidement, je veux simplement arriver à deux, trois graphiques. Le conseil scientifique du CNRS, le recul du budget consacré à la recherche en France, hein, l'objectif de 3% du PIB que vous avez, et on stagne à 2,24. Alors, je vais passer très vite. Une précarité qui explose, les contrats précaires, on les connaît, donc un peu un resserrement. L'âge de recrutement des chercheurs a reculé de 2 ans, 10 ans. C'est aussi un des paramètres importants, des baisses de l'emploi. Une situation désespérante pour les docteurs et autres, ça c'est plus c'est assez important, cette dégradation, justement aussi pour le passage au sentiment des unités. Si on compte comme... Il y a deux choses qui vont compter dans le rapprochement, dans l'estimation dans l'estimation des unités. Il va y avoir le nombre de chercheurs CNRS, capacité d'attraction, c'est un critère lourd et parfois difficile. Et puis aussi la formation des docteurs. Donc dans ce contexte-là, vous avez une espèce de dérive dure à gérer. Un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique, la recherche, les vrais investissements d'avenir, recherche fondamentale. Vous avez aussi quelque chose qui est intéressant et qui va arriver ici, c'est le transfert de ces appréciations, les crédits d'impôt recherche, là, que vous allez voir, qui est sur quel objectif évaluer le plan pluriannuel. Ça veut rien dire, on peut à minima arrêter l'hémorragie, être ambitieux, l'objectif européen, plusieurs dizaines de milliers de postes. Pour atteindre les 3%, il faudra accroître de 5% par an les effectifs, qui est sur les 10 ans. Je passe, c'est pas tout à fait ça. Les conditions d'un plan, stopper la précarité, redonner aux jeunes des perspectives d'emploi. Et ça, cet environnement des unités, c'est quelque chose qui va compter et qui s'est profondément dégradé dans les deux dernières décennies. Une autre politique est possible. Je rappelle, hein, c'est l'ensemble des présidents. Ça leur a été présenté et ça a été fait par le bureau de ces présidents. Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que ça va redonner toutes les dimensions des choses que vous allez voir. C'est comment financer un plan pluriannuel d'emploi. Pour investir plus efficacement dans l'enseignement supérieur et la recherche, il est possible de faire d'importantes économies, simplifiant le millefeuille institutionnel. C'est une question qui est posée. Réformant le crédit d'impôt recherche, il faut aussi suivre ce qui se passe de ce côté-là, et ne relançant pas un nouveau programme d'investissement d'avenir. L'absurdité du millefeuille français, bon, depuis 10 ans, l'empilement des agences et superstructures greffées sur le SR a été considérable, regroupement universitaire, presse, RTRA, FCS, COMU, programme d'excellence, LABEX, EQUIPEX, IDEX, agence de financement sur contrat, on a vu l'ANR, il y a les DIM, les programmes régionaux, il y a le FUI, le Polycomité, agence d'évaluation, ARS, HERS, tout ça conduisant à condition d'alliance, sans s'égarder, tout ça. Donc ce système est coûteux et illisible, et il rend bien évidemment très difficile l'appréciation, une politique d'unité, une concertation avec liste de PST ou autre, il y a vraiment trop de gens. Alors voilà l'objectif, la simplification de l'organisation de la recherche, avant le choc de simplification, et c'est ça que je voulais partir de ça, et après le choc de simplification. Voilà, j'aurais bien aimé partir de cela pour faire mon propre schéma avec à travers. Je ne suis pas arrivé, donc on arrête avec celui-là, puis vous allez voir le mien, vous l'imaginez en couleur, bien travaillé, avec du temps et des gens qui sont capables, et je vais faire quoi ? Je vais simplement souligner les hétérogénéités, les interférences, le fait que le jeu n'est pas forcément coopératif et que c'est bien dommage quand on voit les évolutions des processus d'apprentissage, de l'évolution des chercheurs et de l'évolution des unités. Hein. Donc on peut passer à mon... C'est beaucoup moins beau. Mais, alors là, on passe à... C'est bien celui-là. Alors là, voilà. Ouais, c'est pas... Voilà. Et en plus, on y voit rien. Vous pouvez le mettre en plein écran. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup moins beau. C'est beaucoup moins beau. Je suis désolé, j'en ai bien aimé. Voilà. Alors là, on a. En fait, j'ai pris l'approche un peu systémique pour essayer de tenir compte de ces relations. Vous avez les systèmes d'évaluation et d'attribution, puis les entités évaluées de l'autre côté. Voilà. Alors là, on a l'univers dans lequel on était, qui est déjà assez compliqué. Hein. C'est celui où vous avez des EPST, et en France, on a réussi pendant les 30 glorieuses à développer une recherche avec peu de moyens, avec des difficultés, par ces créations de PST et le fait que l'université n'ait pas développé. Les deux choses vont se développer de façon un peu synchrone jusqu'à arriver à quelque chose qui est un élément fondamental dans des choses comme le CNRS, c'est-à-dire la création des unités mixtes. Ils vont donc rapprocher les deux systèmes. Donc là, ce que je voulais dire, c'est un PST, une université, puis vous en auriez bien d'autres, un autre PST, parce que c'est aussi important de voir les rapports qu'il peut y avoir entre ces deux lignes. Et puis, les systèmes d'évaluation et d'attribution, l'AERS qui n'attribue pas, qui met des notes, et on en reviendra dessus. Et puis là, vous avez des systèmes qui sont à la fois d'évaluation et d'attribution. Vous avez l'ANR, mais vous avez aussi l'Europe, la suite à l'internationalisation, et ça peut compter pour beaucoup, et ça peut devenir un critère fondamental. Puis vous avez toutes les fondations, je voulais rappeler toutes les sources de financement. Du côté des unités d'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue? Soit les chercheurs, soit les unités. Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique des comités CNRS, c'est très simple. La session de printemps, essentiellement, vous avez toujours l'information générale, mais essentiellement au printemps, vous occupez des personnes, des concours d'entrée, des promotions de chercheurs, et à l'automne, vous êtes sur les unités. Il y a ce rythme-là, et pendant 4 ans. Voilà. Alors là, ce que je vais dire, c'est que les chercheurs, on voit ici, dans l'entité évaluée, l'entité chercheur, il y a une évolution qui est peut-être commune à l'ensemble des comités, à l'ensemble des disciplines, mais qui est très marquée en SHS, et en particulier en économie pour des régions discrètes, c'est-à-dire, là vous avez donc des chercheurs, vous avez un processus d'évaluation qui va être fortement influencé par la pression, enfin la bibliométrie, les bibliographies, l'importance de rattachement à des écoles de pensée, etc. Ça va se structurer d'une certaine façon, mais ça c'est un débat que l'on a souvent. D'abord, on en a souvent, et je vais revenir après, on l'a souvent ce débat parce qu'on est en train de voir les limites de ce système-là avec le publish-or-perish, et je vous dirai en 2 secondes qu'au comité d'éthique, par exemple, il y a une grosse préoccupation sur cette trop grande pression du publish-or-perish avec les dérives. Les dérives, c'est la duplication, vous variez un petit truc, et la fraude pour l'autre discipline, à une échelle qui devient insupportable pour ces deux PST. Le nombre d'histoires, de trucs pas clairs. Donc ce modèle est peut-être en train de tourner. Mais en tout cas, dans la période que la mienne est jusque-là, ça a plutôt été une évolution rapide qui établissait les hiérarchies, fondait les choix. Et toute ma remarque, mon principe, et on va revenir point par point pour voir les différentes choses que j'ai relevées rapidement, c'est à quel point cette avancée du processus-là va influencer ce processus-là, qui lui est perturbé, autrement dit, il est percuté par ça, fondamentalement par ça, et par ça. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez les soucis de pérennité, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, pour des unités, vous allez essayer de définir quels sont leurs objectifs, et encore une fois, en économie, vous êtes dans une science morale et politique, donc vous allez vous intéresser à est-ce que ça traite de l'emploi, est-ce que ça traite de l'innovation, de l'écologie, de la finance, etc. Ce sont des objets qui sont, par essence, dans notre discipline, en interaction avec bien d'autres choses. Les entreprises, bon, ça se retrouvera ailleurs, les administrations économiques, et qui vont aussi être influencés par cet aspect chercheur. Et puis là, vous allez avoir des choses qui, au départ, comme il n'y a pas de coordination entre les deux, vous allez pouvoir trouver un individu qui part de là, qui, avec son renom, ou profitant de sa position hiérarchique, décroche un contrat qui n'a rien à voir avec l'unité dans laquelle il était. Personne ne contrôle au niveau de ces instances. Il n'y a aucune concertation entre l'ANR et le COCNRS, voire même une autre instance qui dit attention, vous perturbez. Bon, je serais très contredit si c'est pas comme ça dans d'autres disciplines, mais voilà le type de problème que je voudrais signaler. Alors, je dis une pseudo-professionnalisation de l'évaluation des chercheurs. Alors, vous excuserez le terme un peu péjoratif de pseudo-professionnalisation, mais c'est que lié à cette histoire de bibliométrie, c'est un petit peu à ça qu'on est arrivé, à cette espèce de fermeture. Ma discipline a été directement impliquée, de mon point de vue, dans la crise financière que nous avons vécue et dans les différentes crises économiques. Il y a eu un credo, un espèce de credo sur ce que... Alors là, on rentre carrément dans la dimension politique de la discipline, mais il y a eu un credo sur les forces régulatrices du marché, une idéologie de ce que pouvait faire le marché, qui a emporté, c'est ça que je parle, c'est là que je parle de pseudo-professionnalisation, parce qu'elle implique tout un groupe, d'ailleurs que je nommerai, c'est carrément celui qui a eu le prix Nobel, c'est Toulouse. C'est à la fois une belle histoire en matière de recherche, et c'est... ça montre une certaine impuissance à gérer les choses. Pourquoi ? Histoire de Toulouse, rapidement. Des chercheurs brillants qui ont bien suivi le mouvement, qui ont été aux États-Unis, sont revenus avec une certaine assise dans les publications, qui ont publié des choses intéressantes sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont formalisé les faillites des marchés. Hein ? Donc ils ont tenu compte de ce que, dans un marché, les gens n'avaient pas du tout le même niveau d'information, etc. Ceci dit, ils ont schématisé, modélisé, comment dirais-je, professionnalisé un certain apport des trucs-là. Mais il y en a 10 000, des trucs comme ça. Donc vous soyez une faille, une situation, et à partir de là, vous donnez un credo à un marché que l'on sait maîtriser. C'est pas vrai, on ne sait pas maîtriser la bête. Et je garde, et je vous enverrai quand vous voudrez, une belle première page des Échos avec deux chercheurs du centre de Toulouse disant en 2007, malheureusement pour eux, le méga crack n'aura pas lieu. Enfin, mais bon, je ne veux pas leur taper drôleuse parce que c'est aussi une belle histoire de la volonté des chercheurs, mais c'est l'illustration même de cette espèce de dérive. Alors cette dérive, elle est aussi accompagnée du fait je ne sais pas si je fasse attention au temps. Elle est aussi accompagnée du fait qu'il n'y a pas que des gens, des chercheurs qui ont construit cette image professionnelle rendue. Il y a aussi tout un milieu. Hein. Il y a aussi tout un milieu, c'est là, celui de la finance, celui de la banque, qui a lui-même favorisé consacration d'une certaine expertise, donc qui a consacré le modèle, etc. Autrement dit, le jugement externe sur les chercheurs et leur formation, avec leur implication libérale, a été fortement appuyé par un certain nombre de milieux professionnels. Alors ça, c'est très vrai pour la finance, mais c'est aussi vrai pour la régulation de tout ce qui est commerce. Un peu moins vrai dans d'autres thèmes environnementaux, en particulier, qui ont des exigences d'interdisciplinarité que l'on ne trouvait absolument pas évidemment dans la finance. Alors je commence rapidement. Porté par une pratique de plus en plus répandue de la bibliométrie, face à une évaluation des unités de plus en plus dépendante de l'évaluation des chercheurs, ce que je viens de dire en faisant la mauvaise langue sur Toulouse, et des relations qu'elles entretiennent avec les institutions administratives et les entreprises de référence dans les domaines du travail. Avec la banque, c'est très simple. Mais si vous prenez aussi, vous êtes dans une phase où le monde s'internationalise, les échanges, l'OCDE appuie, donc ceci vient appuyer aussi toute une pratique professionnelle et ça va de pair. Alors, je continue. Il y a un biais là. Quelques problèmes, j'espère que vous pouvez le voir, je le lis à peine. L'évaluation séparée des chercheurs et des unités, puisque vous ne resituez pas le chercheur par rapport aux objets. Là, vous le situez par rapport à ce sub-bibliométrie, donc s'il se rattache à un courant, à une école de pensée, il est plus tiré par l'école de pensée à laquelle il se rattache. Je fais de même, je suis dans une école de pensée plus institutionnaliste, plus historique, mais c'est vrai que ces liens ont été très, très importants dans les points de référence, etc. Sont devenus très importants dans les points de référence. Évaluation des chercheurs, rapidité de l'apprentissage, professionnalisation viable, c'est ce que je viens de dire, différenciation, et puis le lobbying après. L'interdisciplinarité est plus ou moins pratiquée selon les thèmes, plutôt rare et mal évaluée, c'est un point important. Évaluation des objectifs des unités en référence aux activités d'administration et des entreprises dominantes dans les domaines concernés, alors emploi, finance, politique industrielle, développement, urbanisme, écologie, avec plus ou moins de marge selon le développement des relations dans les différents champs avec l'existence de politiques contractuelles, etc., selon les domaines. Mais, par exemple, les gens qui travaillaient sur emploi et autres étaient dans ce genre de choses, pas très bien apprécié, c'était appliqué, il a fallu appuyer, il y avait une politique d'appui, par exemple, à des gens qui travaillaient au centre d'études de l'emploi, etc. Ils ont eu toujours beaucoup de mal à avoir une espèce de position de merde, c'était trop dans l'applicatif. Alors qu'ils remplissaient leur objet, ils avaient leur... ça a été difficile. Ça a été une reconnaissance un peu difficile. Je passe à l'autre. L'évolution des unités est très dépendante de l'environnement. Donc ça, je reviens sur ce que j'ai dit. Et je vous ai déjà donné l'exemple de TSE avec le rôle du domaine, puisqu'ils ont travaillé sur les marchés. C'est d'une certaine façon leur grand mérite. Et avec les critiques que l'on peut opposer, mais il n'y a pas d'instance qui pouvait se permettre de juger par rapport à cet objet ou à la prétention par rapport au monde. Vous voyez, la collusion ne faisait pas partie de ce qu'on pouvait à la fois critiquer. C'était une équipe reconnue comme excellence. Alors, c'est différent de PSE, pour ceux qui connaissent Paris School of Economics. TSE, c'est Toulouse School of Economics, hein, c'est comme son nom l'indique. PSE, c'est le Paris School of Economics. Là, on a affaire purement à chercheur. C'est-à-dire, c'est l'étiquette chercheur qui va jouer. C'est-à-dire que vous allez avoir des individualités avec des CV qui sont consacrés, mais vous allez avoir une certaine hétérogénéité qui vient aussi de l'origine historique, alors que Toulouse, il faut le remarquer, on peut saluer l'expérience, le fondateur qui était Jean-Jacques Lafont, quand il est revenu des États-Unis, il a hésité à rejoindre, à l'époque j'étais au CEPREMAP aussi avec les autres, ceux qui ont formé PSE. Il n'est pas resté là, il a voulu retourner dans son université et il a, à la force des poignets, si je puis dire, créé quand même tout un univers de gens qui poursuivaient dans la même direction. Il a même été, pour éviter certaines diversités, et pour ceux qui travaillent dans l'université, c'est important, à refuser les postes de l'agrégation. Il voulait conserver la capacité de sélectionner ces gens. C'est à la fois une belle action et il faut le faire. C'était pas si facile que ça, mais c'était une politique très cohérente de sa part. À PSE, c'est beaucoup plus le système d'appréciation des chercheurs qui constitue un peu l'excellence et l'image. Vous allez de Piketty à des gens qui pourraient aller sur Toulouse, par exemple. Changement de l'environnement, réduction budgétaire, concentration de nouvelles structures, index, l'ABEX. Alors là, on arrive au beau schéma et risque de rente de situation. Ça devient extrêmement difficile de juger des unités, faire intégrer des nouvelles unités dans un univers où le comité CNRS perd ses repères, peut être complètement percuté dans ses évaluations par une recherche contractuelle, etc. Le processus d'émergence d'unité autour du chercheur d'excellence, plus que les résultats de l'investissement dans un domaine. Alors, la tendance est accentuée par l'interférence de l'ERC et la notion d'excellence, un peu utilisée tout azimut, mais ce n'est pas par rapport à un résultat d'objectif d'une unité dans un domaine, c'est toujours par rapport au processus d'évaluation des chercheurs. Le terme d'excellence fuit toujours par là et il investit complètement ses labex IDEX. On n'a pas un grand colloque de camp qui réfléchit, qui se donne des objectifs et qui après estime en fonction de ses objectifs. Parce que là, vous arrivez, si vous me dites de faire ça pour Toulouse, je vous refais la session, le Megatrain n'aura pas lieu, etc. Et c'est relativement grave. C'est comme si, en matière de cancer, on jugeait nos médecins en fonction des publications qu'ils auraient dans telle ou telle revue, et pas en fonction de leur efficacité à contribuer, effectivement. Donc là, c'est un hiatus qui tient pour beaucoup à notre discipline, et qui est un problème qui mériterait d'être très largement développé, et ainsi dans un peu plus dans le détail, et sans s'acharner uniquement sur le rôle de Toulouse, qui attire l'attention avec son prix Nobel, et qui est prêt à faire les mêmes bêtises. Oui, 5 minutes, je vais vulgariser. Alors, la notion d'excellence, je passe l'expérience là, mais vous pouvez aller voir la note du comité d'éthique pour avoir des petites précisions sur justement les abus de l'excellence, les abus du mot, les abus de langage, sur quoi c'est basé, cette dérive du publisher périche. Voilà. L'articulation recherche théorique et appliquée, j'ai déjà dit qu'il y a une asymétrie qui accentue la divergence des processus d'apprentissage. puisque tous ceux qui vont être dans l'applicatif ne vont pas être jugés par rapport à un référent de leur capacité à éclairer la décision de l'administration. Ça va être considéré comme... Ça ne va pas être retenu dans cette hiérarchisation. Bon, il y a parfois des positions qui ont été acquises qui sont assez importantes pour que, malgré le caractère appliqué de leur recherche, les unités soient maintenues, mais c'est pas évident. Évaluation des unités, le problème, c'est la capacité des appels d'offres à s'inscrire dans une certaine pérennité des objectifs. Ça, c'est, on ne voit pas à quel titre ça pourrait se glisser. Mobilité des chercheurs entre unités, c'est un élément d'appréciation des unités, mais qui, encore une fois, doit être jugé pas par rapport à la capacité à attirer des beaux CV, mais par rapport à la capacité à constituer des ensembles susceptibles d'atteindre les objectifs de l'unité. Internationalisation en coopération, c'est affaire de chercheurs ou d'unité, c'est toujours un peu ma même rengaine. Voilà. Alors, va-t-on vers un retournement, je vais presque arriver à conclure hein, dans les temps, va-t-on vers un renouvellement? Ben, moi je me dis que si on arrive, en général, les anglo-saxons nous ont passé le publish or perish, ils en sont plus sortis que nous maintenant, en limitant le nombre de trucs, en faisant un peu plus attention, peut-être qu'on arrivera à limiter les dégâts. Les échos que je peux avoir de la communauté des scientifiques de l'ensemble au comité d'éthique me semblent aller un peu dans ce sens-là. Ceci dit, c'est pas du tout évident que l'on puisse remplacer ça par un guide des satisfactions des autres objectifs, c'est-à-dire un espèce de guide Michelin des labos par rapport à des objectifs cernés. C'est assez difficile et on ne voit pas très bien sur quels éléments ça peut se faire dans un contexte budgétaire comme celui dont je vous parlais. Parce que si créer un labo, monter un labo dans sciences économiques et autres sur un nouveau domaine, ça demande à la fois des moyens, capacité d'attirer aussi certains chercheurs qui vont tirer la barque, et d'avoir des doctorants, des post-doctorants. Avec la situation qui est faite, ça devient très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant de regarder, alors cette fois dans d'autres disciplines, ce qui se passe en matière de fraude, parce qu'il y a eu une affaire dont vous avez peut-être entendu parler d'un biologiste récemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est les jeunes chercheurs qu'il a entraînés, en les poussant dans le publish or perish. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour jouer le jeu des évaluations, des postes, dans un univers raréfié comme ça, qu'ils ont poussé des jeunes à la fraude, dans des manips ou autres. Je pense que ça se retrouve peu ou prou dans toutes les disciplines, et c'est gravissime, alors même que on n'arrive pas dans tout l'espace compliqué, bien représenté dans le schéma que je voulais vous montrer, on n'arrive pas à trouver cette... pratique de définir des objectifs et de pouvoir regarder comment les différentes actions concourent effectivement à avancer dans tel ou tel domaine. En matière de sciences économiques, on peut aussi penser j'ai longtemps pensé que la crise de 2008 aurait son effet. Je dois dire que c'est dur à venir, hein. C'est très dur à venir. Hein. Et l'impact d'une révision critique des positions dominantes de l'économie orthodoxe, c'est pas beaucoup moins évident que prévu. Même quelqu'un qui était très bien parti, comme François Hollande, qui voulait remettre la finance à sa place, vous avez vu avec quel succès il a pu l'opérer. Je pense par contre que si on arrive à effectivement domestiquer la finance, je pense que les questions que posent les politiques en matière d'environnement sont... beaucoup plus, comment dirais-je, payante en matière de définition des objectifs, repenser, redisciplinarité. Il y a une refonte un peu de la donne qui peut être intéressante. Il est très intéressant de ce point de vue de suivre le débat sur le prix unique du carbone à l'échelle mondiale, parce que là, évidemment, Tirole est sorti de sa province pour venir dire à Ségolène Royal à quel point il était important d'avoir un prix unique du carbone. Mais avoir un prix unique du carbone, c'est comme dire... qu'il faut un prix unique pour le kilo de riz entre l'Inde et Paris ou New York ou autre, c'est absurde et ce n'est pas reconnu comme tel. Les défaillances de ce marché-là, on peut le structurer, on peut avoir des prix de carbone mais c'est pas aussi simple et que ces grandes simplifications ne devraient pas passer à la porte. Mais je crois que les débats sur la politique d'environnement vont nous amener peut-être à redonner aux objectifs des unités la valeur, la nécessité d'aller voir ce qui se fait et de la façon dont les différentes institutions collaborent à tout ça. Coopération ou compétition entre les instances évaluatrices est cruciale, entre tout ce que j'avais mis dans mon premier tableau sur lequel on va revenir, les diverses EPST, il y a des recouvrements entre les INSERM, INRA, CNRS, il faut que ça joue dans le bon sens. Les universités, on a passé de loin le cap des UMR, c'est-à-dire la vague où on avait une alliance entre les EPST et les universités pour aider leur politique de recherche. Avec les concentrations auxquelles on a assisté, nombre d'universités devraient pouvoir formuler leur politique scientifique, avoir ce que j'appelle ces définitions des objectifs et avancer vers une évaluation, y compris des unités qui tiennent un peu plus compte de leurs objectifs propres et de leurs capacités, dans un temps de recherche qui est toujours long, à les atteindre. Voilà.